45e chapitre. Les réjouissances publiques à Téhéran. Les Orientaux aiment tous les spectacles qui charment les yeux. Rien ne séduit plus les Persans que les feux d'artifice. Il n'y a pas d'événement joyeux sans accompagnement de fusées. Qu'il s'agisse de célébrer les trois grandes fêtes nationales, le Nowruz, l'anniversaire du souverain ou de son avènement au trône, les jours consacrés par la religion ou une fête de famille, pour toute réjouissance, les feux d'artifice sont de rigueur. Il n'y a pas de pauvre qui n'ait un sou pour acheter un pétard. Cette récréation pyrotechnique intéresse autant les Téhéranis que les courses de chevaux passionnent les Anglais, les joutes de gondoles amusent les Vénitiens et les combats de taureaux enthousiasment les Espagnols. Le chat lui-même ne dédaigne pas ces divertissements et à toute solennité publique, ses artificiers sont à l'œuvre, aussi bien pour lui plaire que pour contenter le peuple. Comme on l'a vu, le feu d'artifice est toujours tiré dans l'avenue principale qui conduit au palais. C'est là que pétards, soleils, chandelles romaines et feux de Bengale émerveillent la foule. Chacun se promène à travers cette pluie d'étincelles et de fusées aussi tranquillement que s'il était invulnérable comme les pires de la secte des Nassérie. Note. Les Nassérie forment une secte très nombreuse en Perse. Ils croient à quatre incarnations manifestées sous le nom de pires. Les descendants de pires sont considérés comme les séides de la famille du prophète. Ils sont nommés pirzadés. Les Nassérie prétendent qu'il y a des pires qui ont le pouvoir de braver le feu. Ils marchent au milieu d'un brasier allumé, placent du charbon ardent dans leur bouche et font sortir les flammes du nez. Le pouvoir de ces pirzadés rappelle certains tours exécutés en Europe dans les foires par les acrobates qui avaient du feu. Applique la main et les pieds sur des plaques chauffées à blanc. Fin de note. Toute la population, hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et vieux, assiste à ces réjouissances. La foule se tient dans les deux allées, ordinairement réservées aux bêtes de somme. Dans celle du milieu, laissée d'habitude aux piétons, aux équipages et aux chevaux, circulent les autorités et les Européens. La musique militaire et l'orchestre national se mêlent au bruit des fusées, des pétards et des cris d'allégresse. À une de ces fêtes de nuit, je vis un des fils du chat, gouverneur de Téhéran et plusieurs ministres accroupis sur des tapis à l'entrée principale du palais. Devant eux étaient servis des rafraîchissements offerts par le directeur de l'arsenal chargé du feu d'artifice qui surveillait activement son escouade d'artilleurs. Le chat, placé derrière les fenêtres de son appartement, ne perdait aucun détail du spectacle. Je pus l'entrevoir dans la pénombre, entouré de ses femmes. Celles-ci, enveloppées de la tchadra, glissant lentement d'une croisée à une autre, avaient l'air de fantômes. L'aspect de l'avenue, éblouissant pour le simple promeneur, doit être féerique pour le souverain. De la place qu'il occupe, il voit la porte d'Aolé, avec ses étages et ses galeries resplendissantes de lumière, où s'étendent, jusqu'à la façade du palais, des guirlandes de feu variant de couleur et de forme à mesure qu'elles éclatent sous l'étincelle de l'artificier. Au bouquet de ce joyeux incendie, à cette pluie de feu, se mêlent les fusées de rubis et les flammes des gerbes d'or qui excitent l'enthousiasme des spectateurs. La foule à costumes bariolés, éclairée par ces jeux de lumière fantastiques, les soldats immobile, faisant la haie des deux côtés des trottoirs, les musiciens accroupis, puis, sur les toits plats des maisons, une nombreuse population féminine, cachée sous les plis des tchadras, complète ce tableau du plus pur oriental. le palais royal avec ses facettes en verre où se reflètent en mille paillettes tous ces jets de lumière ajoute un éclat de plus à ce coup d'œil vraiment splendide. Un autre divertissement dont profitent seulement ceux qui peuvent approcher du palais est donné par des danseurs et des bouffons pour amuser le chat et ses femmes. Je l'ai dit, cette troupe forme en quelque sorte un corps de ballet subventionné par Sa Majesté dans le but de divertir le peuple lors des fêtes sur les places publiques. Quand la dernière fusée est tirée, les habitants de Téhéran rentrent chez eux, enchantés de la fête et désireux de la voir se renouveler bientôt. Fin du 45e chapitre.